J'arrive un peu en retard, les soucis sur le côté, je fais l'émoticon smile. Elle et moi chacun son pétard, pas d'honneur au radar, je finis qui est comme strike. Mais c'est la folie, j'ai le bolide, je crois qu'elle est jolie, yeah yeah. Mais c'est la folie, j'ai le bolide, je crois qu'elle est jolie, yeah yeah. Ce soir je suis frais comme premier jour du collège, un pirate dans la tête, poteau faut pas déconner. Fais pas cramer la job, j'ai pris le permis du collège. Si elle me gonfle, je bloque, elle mérite pas, désolé. J'pilote l'engin carbo, c'est grave, hein. J'peux pas rentrer grave tôt, j'veux du cash, gros. J'pilote l'engin carbo, c'est grave, hein. J'peux pas rentrer grave tôt, j'veux du cash, gros. À la base, on est dans la mentale et c'est tout. Aïe aïe aïe, avant qu'on se fasse du salon, j'disais tout. À la base, on est dans la mentale et c'est tout. Aïe aïe aïe, avant qu'on se fasse du salon, j'disais tout. Y'a plus trop d'espoir, mais elle voudrait me voir. J'arrive un peu en retard, les soucis sur le côté, j'fais l'émoticon smile. Elle et moi chacun son pétard, pas d'honneur au radar, j'finis qui est comme strike. Mais c'est la folie, j'ai le bolide, j'crois qu'elle est jolie, yeah yeah. Mais c'est la folie, j'ai le bolide, j'crois qu'elle est jolie. Coloré, ça fera l'affaire. Quand je suis partout, elle me dit je reste à la quête. Mental animal, on ne pense qu'à la chair. Elle me dit je te parle, non pas à la terre. Cramé, c'est le fuego. J'ai mis de l'argent de déco. J'embute comme les Lego, j'tire encore sur le pédo. Marie, Marie, Rouana en très lourde quantité. On prend les paris, voilà, je la fais en même temps kiffer. J'ai des idées dans la tête, mais t'inquiète. J'ai plus l'âge pour que le tien le sac à main. Je suis resté figé sur la chaise, mais t'inquiète, à ma chérie, on verra ça demain. J'arrive un peu en retard, les soucis sur le côté, je fais l'emoticon smile. Elle et moi chacun son pétard, toi d'honneur au radar, je finis qui est comme strike. Mais c'est la folie, j'ai le bolide.